ce moment j'suis comme une biatch non-stop, ça me touch. Cherche à relaxer, cœur ma tarme, j'viens d'apprendre à tarme, ma banque peut plus attendre, faut j'paye mes comptes, j'compte, fais mes soldes. J'ai passé pour payer, j'suis encore plus testé, faut j'vende ma gold, no go. À flash, j'pogne une conne blonde, la mets on the road, j'fais du cash, no go, j'suis broke. Mais les cops me check, mettent mon fond sur tape deck, oh papa. J'm'ennuie du temps où j'vendais du chocolat, au moins y'avait pas de stress dans ce temps-là. Le monde était relax, y'avait moins de taxes, tout était wow. Beau comme Salima, Dalila, Rima, Nassima, Nadia, Samira, Yasmina, etc. Mais non, direct dans ce temps-là, le stress n'existait pas. Mais c'est plus le cas maintenant. Y'a ben stress me mange comme une biatch, chaîne et don't stop. Stress me mange comme une biatch. Le stress me mange comme une biatch, chaîne et don't stop. Stress me mange comme une biatch. Aujourd'hui, stress t'as pas une jeune. Les réalités sont pas bonnes, la jeunesse sont des guns. Babylone joue à mob, la TV change, trouve les modes, l'agent transnob. Bah! Bah! Trop de jeunes sont victimes de la gangsta mob. Se prennent pour capon, t'sais. Fuck, tu pas wrong. J'ai curé, bird out, no doubt, but I keep looking out, fire to cash. Blast. Là, j'écris mon album en français, stressé comme jamais. Yo, chill, s'il vous plaît. J'fais plus d'oseille que jamais. Et même si j'fais que ce bicep, c'est pas j'te stress, le stress reste malgré l'argent. C'est surprenant, mais décourageant, enrageant. Comme un sergent dans ton appartement qui te vole ton argent. Hein? Et en passant, peace à la sortie du Québec pour avoir busté la police de Chambly. Esprit, j'ai ri. Le stress me mange comme une biatch, chaîne et don't stop. Le stress me mange comme une biatch. Le stress me mange comme une biatch, chaîne et don't stop. Le stress me mange comme une biatch. Le stress me mange comme une biatch, chaîne et don't stop. Le stress me mange comme une biatch. Le stress me mange comme une biatch, chaîne et don't stop. Le stress me mange comme une biatch. Le fait que je sois stressé, stresse le monde dans mon sac. On me dit que stressé, qui sait qui est stressé? Et moins stressé qu'un stressé, qui sait pas qui est stressé? Mais pourtant, j'en voyais encore chier la dame avec qui j'suis en train de baiser. Fait que chill avec tes pensées, comme toi, t'y casse alias pétasse. Avant j'te fracasse la face, bon, y'a tant que j'm'efface. Fait que damn beat, fade le refrain que j'aille en thérapie. J'suis fini comme la toune, ça c'est comme les cartoons. Héritant comme une balloon, bozo comme un clown. Et Mighty D, où c'est un mimi gogoon? J'ai envie de faire le goon, see you soon. Part 2 is coming near you, avec AC Adam and Nopi. The world crew, une méchante gang de fous, on s'en fout, hey, hey, yo, yo, yo, yo, quoi, quoi, yo, let's, yo, quoi, yo, quoi, ouais, non, non, non, non, ah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,